Chapitre 2e, première recherche. Le lendemain matin, un dimanche, Olivier Coronal, descendant de l'omnibus qu'il avait pris à la gare Montparnasse, dans les environs de laquelle il s'était logé provisoirement, s'engage à pied dans le faubourg du Temple. « Voyons, » fit-il au bout d'un moment, en sortant un petit carnet de sa poche, « c'est bien dans cette rue que la brave Madame Goupil s'est établie fruitière. »« Parfaitement. Je ne me suis pas trompé. » Encore une centaine de numéros et j'y serai, dit l'inventeur en continuant délibérément l'ascension des hauteurs de Belleville. Nul doute que je ne trouve Léon chez sa mère. Ou je le connais bien mal, ou son premier soin, en arrivant à Paris après 2 années d'absence, a été d'aller la voir. Sa mère, combien de fois en a-t-il parlé en Amérique? C'est grâce à lui qu'elle a pu quitter son dur métier de marchande à la voiture. Doit-elle être heureuse, la bonne fruitière? De voir son gamin devenu un homme sérieux et marié avec une brave jeune fille. Bien que ce fût dimanche, jour de repos, l'animation était grande dans le faubourg. Des familles entières d'ouvriers s'en allaient, en costume de fête, passer la journée chez des parents ou des amis. On se pressait au guichet du funiculaire, on échangeait de joyeux propos et des quolibets. La foule des ménagères, le panier ou le filet au bras, remplissait les boutiques des épiciers, des boulangers, des bouchers, entourait les petites voitures des marchandes de 4 saisons. Le dimanche est le meilleur jour de vente pour les modestes commerçants de la rue. On a travaillé toute la semaine. Le dimanche venu, l'ouvrier s'offre quelques douceurs. Le gigot, les fruits et le vin font apparition sur sa table. La journée se passe en famille. Souvent, le repas se prolonge fort avant dans l'après-midi. Pour l'observateur, rien de plus curieux, de plus intéressant que les faubourgs. La vie de l'ouvrier, ses goûts, ses mœurs, la manière dont il envisage les choses, apparaissent en pleine lumière, rien que dans la façon dont il s'exprime, dont il cause librement dans la rue. Il n'est pas habitué à choisir ses expressions. Ses mots sont parfois rudes, mais ils disent bien ce qu'ils veulent dire. Une conversation de ménagère ou de travailleur est souvent plus instructive, relativement à l'état d'âme de la classe ouvrière, qu'un gros in-folio bourré de chiffres et de dissertations philosophiques. Cependant, Olivier Coronal était parvenu devant une boutique peinte en vert, à l'étalage de laquelle s'entassaient des piles de légumes, des paniers de fruits, le tout disposé proprement sur des planches. « Ce doit être là, » fit-il. « Nous allons voir si je suis vraiment changé, si Madame Goupil me reconnaîtra. » Coiffé d'un bonnet blanc qui laissait sortir des mèches de ses cheveux gris, un tablier bleu devant elle, les manches retroussées jusqu'au coude malgré le froid, la fruitière s'occupait de servir une demi-douzaine de ménagères tout en leur tenant conversation. C'était vraiment le type de la femme du peuple à Paris que la mère de Léon, avec sa bonne figure ridée, n'ayant pas peur de crier ses sentiments, peu patiente, faisant beaucoup de bruit à propos de rien, mais d'un cœur excellent, d'une honnêteté à toute épreuve. Dans ce coin de Belleville, elle était connue de tout le monde. Le faubourg du Temple, elle l'avait parcouru pendant des années, poussant devant elle sa voiture. Et lorsque, grâce aux quelques milliers de francs envoyés par Léon, elle avait pu monter sa boutique, les clientes n'avaient pas manqué. Ses affaires prospéraient. Mais, économe d'instinct, la fruitière avait continué de vivre aussi modestement que par le passé. Elle n'avait rien changé à ses habitudes de travail. « Moi, disait-elle souvent, pourvu que j'ai mon journal et ma tasse de café bien chaud quand je me lève le matin pour aller au hall, c'est tout ce que je demande. » Vous avez bien raison, allez, Mme Goupil, disaient les commères. C'est pas toujours la fortune qui fait le bonheur. Depuis que son fils était revenu, la joie de la fruitière ne connaissait plus de bornes. Elle était fière de son Léon et des compliments que lui faisaient toutes ses voisines sur l'allure martiale et décidée du jeune homme. Celui-ci était devenu tout à coup le héros du quartier. On savait qu'il était allé en Amérique. On racontait même qu'il était le héros d'aventures extraordinaires. Et le mari de Betty n'en finissait pas de répondre à toutes les questions qu'on lui faisait de part et d'autre. Olivier Coronal avait pénétré dans la boutique après avoir attendu que les clientes fussent parties. En voyant entrer l'inventeur, la mère de Léon s'était précipitée à sa rencontre. « Ah, monsieur Coronal, s'écria-t-elle, sait-il donc que vous êtes revenu aussi de là-bas? Excusez-moi que je m'essuie un peu les mains, » fit-elle en voyant qu'Olivier lui tendait la main en souriant. « Mais oui, ma bonne dame, c'est bien moi, de retour d'Amérique. Et Léon, que fait-il? Je suppose qu'il est venu vous voir. Oh, dès le premier jour, le cher enfant est avec sa femme. Il aime bien sa mère, allez. Vous êtes venu pour le voir? Ça tombe bien, c'est aujourd'hui dimanche. Il m'a promis de venir déjeuner avec moi. Mais entrez donc chez nous, monsieur Coronal. Donnez-moi votre pardessus et votre chapeau. » Tout heureuse, la brave femme, empressée, faisait asseoir le visiteur dans l'unique pièce qui composait son logement. Olivier remarqua que la table était déjà mise. Une armoire à glace, un buffet, un lit de noyer soigneusement recouvert d'un couvre-pied blanc composaient le mobilier de la fruitière. Sur le marbre de la cheminée, dans un cadre de peluche rouge, se trouvait le portrait du père de Léon, un brave homme aussi, qui pendant fort longtemps avait été au service de la famille Coronal. Mais ce qui amusa l'inventeur, ce fut de voir, le long des murs, des photographies sans doute exécutées par le Belvillois, puisqu'elles représentaient des coins de forêt, des maisons de bois, des rues américaines. « Figurez-vous, dit la fruitière, que c'est Mabru qui les a rapportées. Tenez, voici la photographie de leur maison là-bas, et puis celle-là, c'est Léon avec un fusil et de grandes bottes. Fallait tout de même qu'il ait du courage, » fit-elle avec une nuance d'orgueil, « pour s'en aller tout seul, comme il me l'a raconté, dans des bois où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. » La fruitière allait sans doute continuer ses bavardages lorsqu'une voix joyeuse se fit tout à coup entendre. « Il n'y a personne à la boutique ?» demanda Léon qui venait d'entrer en compagnie d'une jeune femme. « Mais si, me voilà, et je ne suis pas toute seule. Devine qui est venue pour te voir. » « Ah ça, c'est épatant, monsieur Olivier. Ah, par exemple, c'est trop fort. Si je m'attendais à celle-là » s'écria le Belvillois en s'élançant vers son ancien maître. « Mais comment se fait-il que vous êtes à Paris ? J'aurais donné ma parole que vous n'aviez pas quitté Chicago. » « Tu te serais trompé, Léon, » dit l'inventeur, très amusé par l'exubérante satisfaction du jeune homme. « J'ai décidé de revenir en France. J'en avais assez de la vie américaine. Et puis, il y a d'autres raisons, que tu devines bien, et pour lesquelles je suis précisément venu te voir. Nous en parlerons plus tard. » « Mais attendez donc, je ne vous ai pas encore présenté ma femme, » s'exclama Léon avec un certain air d'importance. « Betty, » appela-t-il, « viens donc que je te présente. C'est monsieur Olivier, tu sais bien, mon ancien maître de Chicago. » « Mais pourquoi parles-tu anglais ? » demanda l'inventeur. « Pas moyen de faire autrement. Depuis 2 mois seulement que nous sommes en France, elle connaît à peine assez de français pour faire elle-même ses commissions. » La jeune femme s'était approchée et saluait gentiment Olivier Coronal, qui la considérait en souriant. Au grand désespoir de la fruitière, qui ne comprenait pas un mot, tous trois entamèrent une conversation en anglais. « C'est toute une histoire, la façon dont nous nous sommes connus, » dit Léon. « Je vous donne ma parole qu'on fait des comédies moins mouvementées. »« Eh bien, tu nous raconteras cela une autre fois, » répondit Olivier. « J'aurais voulu t'entretenir sérieusement, mais, comme je ne veux pas troubler votre petite fête, je vais prendre rendez-vous avec toi pour un autre jour. »« Comment ?» s'exclama Léon, en français cette fois, de façon à être compris de sa mère. « Vous n'allez pas accepter de déjeuner avec nous ? Maman va être désolée de votre refus. » « Pour sûr, monsieur Coronal, que vous devriez bien rester, » insista la fruitière. « Vous ne feriez bien plaisir, allez. »« Mais non, je vous dérangerai, madame Goupy. »« Si on peut dire, vous, me dérangez, jamais de la vie, au contraire, » fit la brave femme en levant les bras au ciel. « Le dimanche, pour me reposer un peu, je prends une femme de ménage pour servir à la boutique. Nous déjeunerons bien tranquillement, et vous pourrez emmener Léon ensuite, si vous voulez. » « Après tout ce que vous avez fait pour mon mari, vous ne pouvez pas refuser, » disait à son tour Betty. « Eh bien, c'est entendu. Je déjeune avec vous. À table, alors. Tout est prêt, » fit madame Goupy. On déjeuna fort gaiement. Comme il avait été convenu, Léon laissa Betty chez sa mère et suivit Olivier Coronal. « Tu m'as donc dit que tu avais trouvé une place dans une usine, » fit Olivier, lorsqu'ils furent seuls. « Mais pourquoi n'es-tu pas allé voir nos amis les Goldberg ? Oh !» fit Léon, « allez voir Ned Hattison. Il m'en voudrait d'une pareille démarche. Il ne peut oublier, malgré tout, que j'ai causé la mort de son père. »« Tu te trompes, » répondit l'ingénieur. « J'ai causé avec lui. Je ne dis pas que la mort du directeur de Skytown le laisse indifférent, non. Mais il la considère comme une chose inévitable, nécessaire même. Sa grandeur d'âme m'a profondément touché. Je t'assure que tu n'as pas baissé dans son estime. »« C'est bien vrai ?» demanda Léon. « Mais comme vous dites, il faut qu'il soit devenu bien attaché maintenant aux idées européennes. »« Il l'est, en effet, et il nous en a donné la preuve. Mais j'en viens tout de suite au but de ma visite. Il faut, maintenant que nous avons tout le temps devant nous, que tu rassembles tes souvenirs et que tu me décrives minutieusement tout ce que tu as vu et entendu dans le palais de Harry Madge. Oh, c'est bien facile. Je pourrais vivre 100 ans sans jamais oublier un seul détail des événements extraordinaires de cette nuit. Seulement, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Parle toujours. Avec une grande sûreté de mémoire, Léon retraça à son maître les étranges scènes dont il avait été témoin, caché derrière la grille d'un soupirail, dans le parc de Harry Madge, sans rien oublier, en reproduisant presque textuellement les paroles des milliardaires. Il décrivit les expériences de lévitation du fakir, celle de la lecture à distance du Sachempo rouge, celle encore, plus curieuse, des deux frères Yankee, et enfin, lui répéta tout ce qu'il avait retenu du discours qu'avait prononcé Harry Madge. « C'est bien, je te remercie, » dit l'inventeur. « Tu viens de dissiper mes derniers doutes. »« N'oubliez pas, » ajouta Léon, « que pour ma part, je suis toujours à votre disposition. Chaque fois que vous aurez besoin d'un coup de main, je suis là. »« Je suis ravi de t'entendre parler ainsi. Et d'abord, j'espère bien que tu vas quitter l'emploi que tu as accepté dans une usine. Que gagnes-tu par jour ?»« 5 francs, » dit Léon. « Eh bien moi, je t'offre 200 francs par mois. »« Vous n'avez pas besoin de m'offrir davantage, » répliqua le jeune homme, presque blessé de la générosité d'Olivier. « Pour être de nouveau à votre service, je consentirais même à gagner beaucoup moins qu'à mon usine. »« Je sais que tu es un brave garçon, » fit Olivier très touché. « Mais tu n'ignores pas que nous allons avoir à travailler d'une façon formidable. Je veux, moi aussi, approfondir ces questions psychiques dont tout le monde parle et que tout le monde connaît mal. Tu seras le préparateur de mon laboratoire. Je suis, Dieu merci, grâce à la générosité de l'ingénieur Strauss, en état de faire des recherches pour mon propre compte. « Entendu, » acquiesça joyeusement Léon. « Et quand commençons-nous ? » « Dans quelques jours. Je vais louer, dans le voisinage de Meudon, un pavillon isolé où je puisse me livrer à mes études dans un parfait recueillement. « Et mon ami Tom Punch ?» demanda tout à coup Léon. « Pouvez-vous me donner de ses nouvelles ?»« Tu veux sans doute parler de ce géant ventru, au visage couleur de lit de vin ?» qui fut autrefois le majordome de William Bolton ?« Naturellement, » répondit le Belvillois. « Vous savez bien qu'il n'a pas voulu accompagner M. Ned en Amérique, et qu'ayant obtenu dans un concert un engagement comme joueur de banjo, il est resté à Paris. »« Oui, je le sais. Il n'est pas reparu chez Ned Addison. On ignore ce qu'il est devenu. »« C'est dommage, » dit Léon. « C'était un bien gai camarade et un intrépide buveur. » Qui ne manquera pas certains jours de se réveiller avec une attaque de délirium tremens ?» compléta Olivier. Au revoir, mon bon Léon, je te laisse à ta famille. La semaine suivante, Olivier Coronel prenait possession à Clamart d'une petite maison qu'entourait un jardin bordé de hauts murs. À quelques pas de la forêt, isolée par sa situation des autres habitations du bourg, cette maisonnette, élevée seulement d'un étage, se composait de 3 pièces au rez-de-chaussée et d'autant au premier. Olivier transforma la plus vaste de ses pièces en bibliothèque et en cabinet de travail. Des caisses de livres arrivèrent chaque jour de Paris. C'étaient, en partie, des traités de sciences exactes, mécanique, chimie, physique, etc. Toute une encyclopédie dans laquelle figuraient, à côté des documents de l'Antiquité, les derniers travaux des savants contemporains. Et d'autre part, toute une collection de ces volumes délaissés du gros public et que quelques curieux sont seuls à lire actuellement. C'étaient des livres de magie, d'alchimie, d'astrologie, de chiromancie. Les modernes étaient représentés dans cette collection par le docteur William Crookes, le colonel de Rochas, le docteur Papus, le docteur Paul Givier, Stanislas de Guetta et d'autres. Délibérément, Olivier se mit à cette étude toute nouvelle pour lui. L'ingénieur Goldberg et Ned Hattison travaillaient de leur côté dans le même sens. De temps à autre, tous 3 se réunissaient pour échanger les résultats du travail des jours précédents et pour concerter le plan d'études des jours suivants. Ils avançaient lentement dans cette tâche. Les livres anciens, tels que « Le monde enchanté » de Becker, « La mystique » de Gorées, « Les disquisitions magiques » de Delrio, « Le mundus mirabilis » d'Arpelius, « La stéganographie » de l'abbé Trithem, qui fut maître de Paracels, et bien d'autres encore, n'était souvent qu'un tissu de fables, de superstitions, où quelques idées heureuses ou géniales, perdues dans le fatras des anecdotes, étaient difficiles à saisir à travers les complications d'un style obscur à dessein. Les 3 amis ne se rebutaient point. Pendant plusieurs semaines, Olivier courut les cliniques des hôpitaux pour étudier les phénomènes de l'hypnotisme. il assista à de merveilleuses expériences, les étudia, puis les refit lui-même et devint un hypnotiseur de première force. Léon Goupil s'était installé avec Betty dans la maisonnette de Clamart. Tandis que la jeune femme prenait soin de l'intérieur et préparait les repas, Léon aidait son maître dans ses expériences. Il se trouvait heureux dans sa nouvelle situation et ne l'eût abandonné pour rien au monde, même pas pour courir les aventures. Son voyage en Amérique l'avait considérablement assagi. Du reste, les travaux de son maître l'intéressaient lui-même au plus haut point. Il savait qu'il s'agissait de défendre l'Europe contre les milliardaires américains. Cette seule pensée suffisait à lui communiquer un courage, une ardeur à la besogne telle que, parfois, son maître était obligé de modérer son zèle. Plusieurs fois, l'ingénieur Goldberg et sa fille Lucienne vinrent passer quelques heures chez Olivier, mais jamais Ned Hattison ne consentit à les accompagner. « C'est évidemment pour ne pas me voir, » se disait Léon. « Monsieur Olivier a beau dire, le mari de Madame Lucienne n'oublie pas que je suis cause de la mort de son père, et il m'en garde secrètement rancune. » Cette pensée chagrinait fort le brave garçon. Olivier, à qui il avait confié sa peine, ne lui avait répondu qu'évasivement, lui avait conseillé d'attendre sans oser le détromper. « Je ne pouvais cependant pas faire autrement, » disait le Bellevillois. « Ce n'est pas juste de m'en vouloir d'une action où j'ai fait d'avance le sacrifice de ma vie. C'était inévitable. Ce n'est pas le père de M. Ned que j'ai tué. C'est un homme dangereux pour l'humanité tout entière. C'est un mauvais savant, puisqu'il ne voyait dans la science qu'un moyen de satisfaire sa haine et sa cupidité en anéantissant la civilisation européenne. « Tu sais bien que je t'ai toujours approuvé, » répondait Olivier. « Prends patience. » Ned est trop intelligent pour ne pas comprendre cela. Un jour viendra où, certainement, il ne refusera plus de te voir et de te traiter avec la même bienveillance qu'autrefois. Je serai bien heureux ce jour-là, faisait Léon avec un gros soupir. Et à demi consolé, il se remettait au travail. L'hiver touchait à sa fin. On commença à sentir dans l'air des souffles tièdes. La nature se reprenait à vivre. Levé tous les jours de grand matin, Olivier Coronal, quand il n'était pas forcé de sortir, passait des journées entières dans sa bibliothèque. La tâche qu'il avait entreprise était semée de difficultés, mais avec l'aide de ses deux amis, il les vainquait toutes les unes après les autres. La petite maison de Clamart, en outre de Léon et de sa femme, avait maintenant plusieurs pensionnaires. C'étaient des médiums, hommes et femmes, sur lesquels Olivier se livrait chaque jour à de nouvelles expériences. Léon Goupil, qui souvent y assistait, était émerveillé. « Bravo, monsieur Olivier, » disait-il. « Je suis sûr qu'avant peu, vous arriverez au même résultat que le milliardaire Harry Madge. Nos ennemis ne seront plus les seuls à connaître les secrets de l'hypnotisme et à s'en servir. Nous serons bientôt plus forts qu'eux dans le maniement des forces psychiques. Je les ai déjà roulés de la belle façon à Skytown. Quelque chose me dit que cette fois encore, ils seront réduits à l'impuissance. « Puisses-tu dire vrai ?» répondit le jeune ingénieur. Puissions-nous devancer les Yankees et mettre sur pied avant eux quelques découvertes capitales, il n'est que temps. Vous y arriverez, monsieur Olivier, répétait Léon avec enthousiasme. Coronel n'avait pas encore informé M. Goldberg et Ned du débarquement des espions auxquels il avait assisté au Havre. Dans tout Paris, il s'était livré à des recherches pour retrouver la trace des Américains qu'il supposait être les hypnotiseurs de Harry Madge. Ceux-ci semblaient avoir disparu. En tout cas, ils cachaient soigneusement le lieu de leur retraite. Mais bien qu'ils demeurassent invisibles, l'inventeur n'en gardait pas moins sa conviction. « Ils doivent s'être mis secrètement à la besogne, » se disait-il souvent, s'attendant à voir surgir, d'un jour à l'autre, de terribles complications. Malgré tout, il avait recommandé à Léon de ne rien dire à M. Goldberg. « Il serait toujours temps, » pensait-il, « de l'instruire, si les événements justifiaient nos craintes. « Je puis m'être trompé. Ce serait dans ce cas l'inquiéter inutilement. » De Meudon à Clamart, il n'y a guère que quelques minutes de chemin de fer. Le vieux savant venait plusieurs fois par semaine rendre visite à Olivier Coronal, lui donner des conseils, l'encourager dans ses travaux. Plusieurs fois, il assista aux expériences que le jeune homme exécutait avec l'aide de ses médiums. Les phénomènes de lecture à distance de documents cachés étaient ceux qui préoccupaient le plus Olivier Coronal. Mais il s'en fallait encore de beaucoup qu'il eût obtenu des résultats satisfaisants. qu'il fut en état de mettre en ligne des hypnotiseurs aussi bien armés pour la divination que ceux de Harry Madge. Perdus dans le dédale des formules psychiques, les ingénieurs passaient des semaines à tâtonner sans faire un pas vers la solution du problème. Ils s'attaquaient à une science nouvelle, dont l'initiation est longue et difficultueuse. Toute leur ténacité, toute leur persévérance ne les empêchait pas de se sentir par moments profondément tristes et découragés.